Une seule émission rap de référence. Are you ready for this? Pour une heure de direct et nouveaux sons en exclus dans toute la France. Tous les soirs sur Skyrock, 20h-21h, Planète Rap avec Fred. Ce soir, Planète Rap spécial Kenza Farah. Passez une bonne soirée, c'est parti pour le Planète Rap consacré à Kenza. Comment ça va Kenza? Ça va super, merci. En pleine forme? Ouais, en pleine forme. L'album s'approche, c'est lundi dans les bacs. C'est ça. C'est charismatique qu'on découvre tous les soirs de la semaine. Ouais, ça approche. Bon, j'ai un petit problème, c'est que j'ai sorti ma poubelle chez Mélise. Et j'ai l'impression que tu m'as fait un coup de Trafalgar. Non, je te jure, tu m'as fait. Parce que tu me dis oui, soirée meuf. C'est une soirée meuf, mais justement, Didier. Ouais, c'est ça, je vois Aira, ils arrivaient. Non. Goldfinger qui est là, qu'on salue, ça va bien, Goldfinger. Non, je t'explique. En fait, il y a grave des bouchons, mais moi, j'ai failli être en retard. Oui, c'est vrai que c'est un bordel ici pour elles arriver. Arrivent, elles sont sur la route, les copines, elles sont en chemin, elles arrivent. Ah, mais en attendant, il y a Didier Rice qui est là avec nous, tu vois, toujours au bon moment. Et dès qu'il entend soirée meuf, il rapplique. Je sais pas pourquoi t'arrives à rappliquer, toi. Voilà. Comment t'arrives à être au courant à chaque fois? T'inquiète, je suis toujours dans les bons coups, moi. Ça va, Rice? Ouais, tranquille, au calme. Bon, Kenza et Rice, c'est une longue histoire. Ouais, ça fait un moment qu'on bosse ensemble. Mmh. Ouais, on a déjà bossé ensemble sur mon quatrième album, For Love. On avait fait des très très beaux titres, Lucky, Là-haut. Mmh. Et voilà, on a remis ça sur cet album. Je suis très contente d'avoir collaboré avec Raizé. D'ailleurs, j'ai interprété son titre hier en live, ouais, cool. Libre. Et on va le passer aussi ce soir. Et on va le découvrir version album dans quelques minutes. Ouais, exactement. Et je disais, Goldfinger sera au platine, il y aura exactement, du live. Exactement, Goldfinger, ouais, il y aura du live. C'est les pionniers au platine, frère. Ouais. Il y aura du live et il y a les invités qui arrivent doucement. Et on va commencer par Ilé, tranquillement. Et on va se mettre bien. Et on va se mettre bien. Ouais. Avec l'accent, mais juste avant, on va aussi se rappeler ce qui s'est passé hier soir dans l'émission, si tu veux bien. Allez, ça c'était hier. Planète Rap, Planète Rap, le replay. C'est la troisième soirée avec Kenza, comment va? Au top, bien. Voilà, on est là. Et tu n'es pas venue seule ce soir. Non, je ne suis pas venue seule, j'ai une invitée. Mm-hmm. Une invitée surprise. Bonjour. Ça va, Kayline? Ça va. C'est vrai que tu avais disparu, même je pensais que tu avais arrêté le rap un moment. Ouais, parce qu'en fait, je suis arrivée à un stade de ma vie où il fallait continuer les études pour pouvoir après. Études de? Études de droit. Études de droit, et alors? Voilà, tout va aujourd'hui, bien je suis juriste en droit des affaires et fiscalité. Voilà, avocate. Ok. On a une avocate, un charismatique, c'est frais. Hein, c'est pas mal, mais c'est bien aussi, il en faut d'ailleurs. Il y a beaucoup de retours ce soir dans l'émission, puisqu'il est au platine. Exactement. Pendant deux soirées, je crois, pour ton Planète Rap. Exact. DJ Goldfinger. Yeah. Voilà. Ça va bien, Goldfinger? Ah, ça va. Sur Skyrock. Sur Skyrock. Sur Skyrock. On va aller faire un tour dans la rue maintenant, si tu veux bien, okay. Kenza. Nous, on est descendu avec un micro au cœur de la rue. Vous connaissez Kenza Farah ou pas? Qui la connaît pas? J'aime bien ses chansons. C'est toi qui parles à la télé sur Skyrock. J'adore ses musiques, je l'écoute depuis longtemps. Je l'adore, Kenza Farah. Bah, faut qu'elle continue comme ça, parce que je pense qu'elle pourra arriver loin. Kenza Farah, bien. Ouais, elle a une belle voix, elle est plutôt mignonne. Non, Kenza, franchement, continue ta musique. Elle est plutôt... Mignonne. Ouais, mignonne. Ouais, franchement, on a bien ce qu'elle fait, qu'elle continue. Franchement, c'est pas mal. Ouais, elle est mignonne, mais je suis plus rap US. Je veux qu'elle sorte un nouveau son pour moi. Je suis super contente et je les remercie, je leur fais des gros bisous. Gros live de prévu dans quelques minutes. Ouais. Avec Goldfinger au platine, avec Kayline au micro qui nous lâchera un petit 16, un peu plus. Yes. C'est parti maintenant. Le replay. C'est dans la descente, tous tes potes tournent le dos. C'est dans la descente. Tu te poseras des questions. Et bah ça continue maintenant avec Maître Kayline. Kayline, fais du bruit là. C'est parti maintenant. Ok, charismatique, Kenza Farah, Kayline, Planet Rap, Skyrock. Hey, sortez les peines, sans vous allez creuser, trêve de plaisanterie cette année. J'ai une bite du rap français, déterre ma hache de guerre de certains cas. J'en prends mon affaire, personne ne me gère les fous et les pleurs, mais ma sans maître d'ici. En route secours, je suis chevronné, charismatique, Kenza, ok, Kayline dans les bacs,

Le morceau s'appelle Il est à l'instant. C'est extrait de l'album qui sort lundi dans les bacs. L'album charismatique, le cinquième de Kenza Farah avec nous. Yes. Ça y est, je me sens revivre d'un seul coup. Voilà, tu n'as pas mis tu la chemise. Tu ne m'as pour pas rien. Dupé. Je ne t'ai pas dupé. J'ai cru que c'était un concours. Tu mets la chemise, ouais. Demain il y aura des filles. Ah oui. Elles sont là, elles sont arrivées. Qu'est-ce qu'il y a, Abdel? Pas mis la chemise. Ben oui, attends, je lui ai demandé, classe, il a mis. Elle m'a demandé gentiment, Kenza. J'obéis. Ben oui, merci. J'ai été choisir la plus belle dans mes milliers de chemises. Je suis ravie. Voilà, ben j'espère bien. On présente un peu qui vient d'arriver. Ouais. Donc Nabila était là, alors donc, c'est la Nabila, première. Nabila, donc artiste du label qui est là à mes côtés. Qui est en train de bosser avec Goldfinger. Exactement. Et puis il y a donc Soraya. Oui. Bonsoir, Soraya, ça va. Copine. Merci. Mais avant tout, c'est ma sœur qui me l'a. Ouais, c'est vraiment la copine. Ouais, j'ai vu quand t'es arrivé tout de suite, bam. Ouais, et alors, ouais. Et ça fait quoi? Ça commence à parler de plein de trucs. Ouais, voilà, là, ça va être chaud entre les. Pendant la pub. Ah, bah là, ça va. Voilà. Les derniers commérages en route, ouais, c'est ça. Voilà. Donc, Soraya, je la connais, ça fait quelques années. Je l'avais déjà invitée à mon Planet Rap précédent sur For Love. Et voilà, j'ai voulu la réinviter parce que, voilà, c'est quelqu'un avec qui j'ai beaucoup d'affinités. On est souvent au téléphone ensemble. Ah bon? C'est une passionnée, elle a vraiment son univers. Je kiffe vraiment ce qu'elle fait. Et avant tout, je pense qu'elle a vraiment le mental. Et ça, c'est super important. Oh, merci, ma chérie. Venant de toi, franchement, ça me touche beaucoup. C'est gentil. Et puis, donc, à ses côtés, il y a Sarah. Donc, Princesse Sarah. Pareil, on s'est connus à quelques mois maintenant. Ouais. Elle m'a invitée, en fait, sur son album. C'est une chanteuse très talentueuse. Ça m'a beaucoup touchée, sa manière de m'aborder, de m'apporter. On va dire le titre, me retrouver avec elle en studio, ça m'a vraiment fait du bien parce qu'elle a cette fraîcheur en fait du début d'un premier album, cet entrain. Et c'est aussi en rencontrant des personnes comme ça qu'on se rend compte de la chance qu'on a et on leur souhaite tellement de poursuivre et de faire ce qu'elles aiment. Donc voilà, Princesse Sarah aussi qui est avec nous ce soir. Merci Kenza, merci, je suis super contente d'être là. C'est vrai que moi, Kenza, c'est une artiste que j'aime depuis le début. Tiens, prends bien le micro, ça va qu'on entende ta jolie voix, voilà, parfait. Que j'adore, que je suis depuis ses débuts et qu'elle accepte déjà un grand merci encore avec d'avoir plaisir. Accepté ce duo. Avec et plaisir. C'est une grande fierté, c'est une des fiertés de mon album. Et Kenza est réellement ce qu'elle paraît être. Ça, et c'est bête à dire, c'est mais gentil. Elle est tellement. Pour toutes ces qualités humaines, déjà je te dis merci d'être gentil. Comme tu es et tu m'as apporté beaucoup professionnellement parlant c'est et gentil. Au niveau musical et je t'en remercie beaucoup. D'ailleurs Sarah, son album il est sorti, il est dans les bacs, c'est un album magnifique. Merci. Il y a donc notre featuring qui s'appelle La Force d'y croire et on a aussi fait le clip qui est disponible sur YouTube. Exactement. Et voilà, c'est vraiment une bête de chanteuse, pareil, que j'apprécie énormément humainement et musicalement. Et voilà, ça me tenait à cœur de l'avoir prêt ce soir avec moi. Pas de rivalité, pas de clash entre nanas, non, rien. Pas du tout. Rien, mais pas du tout. Rien. Il y en a du assez non. Comme ça, il y en a non. Du assez. Non. Et c'est quand c'est moi, des relations rien. Passionnées et saines, on va dire, il n'y a pas lieu d'être, quoi. Par exemple, Soraya, c'est une chanteuse que je connaissais. De nom et on se croise. Ouais, mais on se croise dans le jeu. En bas. Bah, c'est la première fois. Ouais, mais c'est ça. Et moi, j'adore ce qu'elle fait. Moi aussi, et ça me fait beaucoup. Super plaisir de la voir. Et voilà. Et franchement, ça fait plaisir. On est entre chanteuses, pas de rivalité et soutien. Ouais, au bien sûr, quoi. c'est important. Ouais. Ben, j'aurais pu. Franchement, je suis super contente qu'elle soit là. Il y a Nabila aussi qui est avec moi, à mes côtés. Il y a aussi notre invité qui arrive, qui est en route, qui est coincé dans les bouchons. Après, voilà, moi, en termes de musique, j'ai toujours écouté, je me suis toujours intéressée aux jeunes artistes. J'ai jamais, on va dire, ni négligé, ni eu ce côté, on va dire, aigri que certaines pas du tout, chanteuses pas du peuvent avoir, ou même rappeurs ou autres dans la musique, peu importe. Il n'y a pas ce côté, pas au contraire, tout. C'est. Je kiffe. Kenza, elle est passionnée, elle aime la musique, donc elle écoute, et quand elle kiffe, elle le dit clairement. C'est pas du tout la rageuse qui va essayer de se bloquer. Mais ça fera que lui apporter plus de choses, et c'est pour ça, je pense. J'ai entendu Soraya, contrairement à d'autres. Ah oui, on le sait, il y en a partout. Après, voilà, je pense à d'autres chanteuses. Non, mais après, c'est vrai que c'est aussi un métier de compétition, donc voilà, quand t'es dans le même domaine ou. Ouais, mais ça serait bien que ça soit comme dans le sport, Exactement. C'est comme dans le sport. C'est vrai. Déjà, moi, je suis en compétition, je pense, avec moi-même. Je pense, tout en tant qu'artiste, on a envie de se surpasser. Exactement. Si on se prend la tête, ce qui se passe à droite à gauche, c'est pas possible. Ça sert à rien. Et moi, voilà, j'ai gardé de très bonnes relations avec des artistes avec qui j'ai commencé. Je pense notamment à Sherifa Luna que j'embrasse, à Melissa M que j'embrasse, et à plein d'autres artistes que j'aurais pu inviter ce soir. Après voilà, c'est. Mais tu fais d'ailleurs régulièrement quand on fait une semaine Planète Rap, c'est vrai que tu consacres une soirée. Ouais, j'aime bien. Avec les copines. Ouais, j'aime bien. C'est vrai que c'est sympa. Ben, j'ai l'occasion de le faire. Je l'ai fait sur For Love, sur l'album d'avant. Et puis, ouais, ça fait plaisir. Et puis, c'est une occasion aussi de se retrouver. Et de discuter pendant les morceaux. Exactement. Pendant les pubs. Ouais, bah là, on va mettre un morceau. D'ailleurs, qu'est-ce que tu as envie de présenter comme morceau à tes amis, Kenza, et à tous ceux qui nous écoutent aussi? On va écouter le titre Chute Libre, qui est produit par DJ Rice, qui est avec nous dans les studios. Toujours d'ailleurs, dans les bons cours. C'est aussi DJ Rice qui a fait la prod sur le titre que j'ai partagé avec Sarah, La Force d'y croire. Donc voilà, on va écouter Chute Libre. Je l'ai interprété en live. J'ai eu de très très bons retours, donc on va mettre la version album. Les vidéos d'ailleurs, elles sont dispo, hein, Momo. Ouais. Elles sont sur le Skyrock. Skyrock.fm, yes. Allez faire un tour pour aller mater les vidéos. Ouais. Le hashtag, on n'a pas dit, mais c'est toujours Kenza Farah sur Skyrock. Si vous voulez voir les images, c'est sur l'appli ou alors sur le Skyrock.fm. Et on écoute donc ce morceau extrait de ton album. Yes, c'est parti. C'est ça, Chute Libre. Chute Libre. Le morceau s'appelle Chute Libre à l'instant, c'est extrait de l'album de Kenza à découvrir tous les soirs de la semaine. Tu voulais dire un mot sur ce morceau, Kenza? Ouais, j'ai eu beaucoup de retours sur les réseaux. On me demandait de qui tu parles, de ton copain, de ton mari, de ton frère, de ton papa. Et c'est vrai que ce titre, je l'ai fait large. C'était voulu vraiment de pas rentrer dans les détails, justement pour que chacun puisse penser à une personne qui lui est chère. Et c'est vrai que ce qui m'a inspiré, c'est un peu ce qui se passe en ce moment autour de moi, dans ma ville. C'est vrai qu'on voit parfois une escalade de, on va dire, dans la pâte du gain, etc. Et voilà, c'est un petit peu cette voix d'une sœur, d'une mère qui essaie de rappeler un petit peu à la raison la personne qu'elle aime, pour pas qu'elle s'engouffre dans de plus gros soucis, et qu'au final être séparée de cette personne, c'est ce qu'il y a de plus douloureux. Donc Chute Libre, c'est un morceau qui me tient à cœur aussi, parce qu'on a tous un frère, un père, un ami qui est dans cette situation. Et voilà, et une grosse pensée à toutes les personnes qui sont enfermées, qui sont loin de leurs proches, que ce soit en prison ou dans les hôpitaux, qui sont loin de leurs proches en général. Une grosse pensée à eux. Ceux qui nous écoutent en ce moment, justement, voilà. Exactement. Tiens, il y a un sac à main qui vient d'arriver sur la table. Hello. Hello. Hello. Ça va en forme ? Tranquille, ouais. Bon, présente-nous un petit peu. Encore une invitée qui vient d'arriver. Un sac à main très lourd, hein. Je sais pas ce qu'il y a dedans, mais. Il est trop lourd, il a fait mourir. Ah oui, il a fait un bruit sur la table, je me suis dit, elle va me péter la table avec le truc. Ben là, c'est donc une autre invitée, pareil, qui était là sur mon précédent Planet Rap. C'est vrai. Pour l'album For Love, donc une chanteuse que j'apprécie énormément. Qui est venue il n'y a pas très longtemps. Ouais, donc dans Linda. Dans Planet Rap. Linda Sherazade qui est là avec nous. Yeah. Bah moi je suis venue soutenir l'assistant. Hein. Ça va Linda ? Ouais, ça va. Tu connais les copines ou pas ? Je connais un peu, ouais. Soraya, ouais, Princesse Sarah. Ça c'est bon, on se présente plus, ça y est. Hein. On les calcule même plus. Nabila. Yes. Kenza. Bon, non, un petit mot alors. Un petit mot sur Linda Paris qui fait partie de cette nouvelle génération aussi. Ouais, qui est Linda, en train d'arriver. Pareil, c'est la nouvelle génération. C'est une personne que j'apprécie énormément. C'est vrai que on se voit, on se textote, on se suit mutuellement. On s'envoie des photos. Ouais, voilà. On s'envoie des petits tweets. Et pareil, Linda, c'est une artiste que j'ai rencontrée il y a quelques années. Et j'ai aimé sa voix, son univers et surtout son soutien. C'est vrai que voilà, elle m'a montré énormément de respect en fait, qu'elle aimait bien ce que je faisais, etc. Elle était tout le temps là à me soutenir, à partager mes sons. Je voyais des tweets à elle, je suis sur le chemin de l'école avec du Kenza dans les oreilles et moi ça me touchait quoi. Et depuis elle n'est plus à l'école. Ouais, j'ai décollé, je suis plus à l'école. Voilà. J'ai tout lâché. Depuis qu'elle a écouté l'album, elle va plus en cours. C'était des petites attentions comme ça qui m'ont fait plaisir. Et du coup, ça m'a donné envie de la connaître et de l'inviter par la suite. Et puis voilà, elle prépare son projet. Je suis très contente pour elle. Et puis on la retrouve sur les chroniques du Whatty Boss aussi. Yes. Volume 2 qui vient de sortir. D'ailleurs, t'es en tournée un peu. T'as fait une petite tournée showcase un peu partout ouais. Là. Ouais, on se trimballe dans les vues comme ça. Voilà. On fait des séances dédiées, donc voilà, ça fait plaisir de rencontrer le public et voilà, les pécho les chroniques toujours dans les bacs. Et voilà. Bon, il y aura du live avec toutes les filles ou avec certaines d'entre elles ce soir. Ouais, on va faire un truc en commun. Tout ensemble, sur Briser les chaînes. Elles vont m'accompagner sur Problème aussi. Et il y aura un beau live de Nabila aussi. Très bien, c'est dans un instant, ne bougez pas sur Skyrock, on va revenir. On vous attend au freestyle, inscrivez-vous aussi pour faire tourner la roulette tout à l'heure. 41 759 avec votre prénom, numéro de téléphone. Il fait chaud, hein, Linda, ici. J'ai couru. Ah ouais, là je comprends, il fait chaud. Bougez pas, on revient dans quelques minutes. Qu'est-ce qu'on met, Kenza, après la pub ? Alors après la pub, on va mettre un titre qui s'appelle Marseille, je t'aime. Ah. Donc voilà, on l'a pas encore passé. C'est un titre un petit peu dansant. Marseille, je t'aime. Quoi. Marseille, je t'aime. C'est la fête. Ce morceau, c'est la fête. Qu'on va découvrir juste après la pub. Bougez pas, on revient après ça. Comme toi, Kenza Farah a choisi Planet Rap. Planet Rap. Planet Rap. 20h-21h, tous les soirs sur Skyrock. Bah, c'est une bonne soirée, bienvenue dans le Planet Rap avec Kenza Farah et pas toute seule. Hein. Ouais, avec les copines. Là, les copines. Elles sont là, en force. Il y a Nabila qui est là avec nous, Linda Sherazade est là avec nous, Soraya aussi, Princesse Sarah est là avec nous. Yes, la princesse. DJ Rise est là avec nous. La princesse. La Risette. DJ Goldfingers. Yes. Aussi au platine qu'on retrouvera dans un instant, tu nous feras des lives avec les copines qui sont là dans quelques minutes. Ouais. On avait dit Marseille, je t'aime, mais on va en mettre un autre tout de suite. Ouais, on va passer Problème en fait. On va mettre plus tard on Marseille. On le mettra après, Problème, vu qu'on va le faire aussi avec les filles, histoire de se le mettre un petit peu en tête. Voilà, il faut se le mettre en tête. On va l'écouter maintenant. Voilà. Et moi, j'ai la petite question pour repartir avec l'album de Kenza, comme chaque soir, album dédicacé. Hier, on en a parlé dans l'émission entre 20h et 21h. Yes. Kenza, tu es née en Algérie. Oui. Et tu es arrivée à Marseille, en France. Tu es arrivée à quel âge ? C'est la question que je pose ce soir. D'accord. Vous savez, vous, les filles, ou pas ? Ouais. À un an. Peut-être pas. Peut-être que oui, peut-être que non. J'avais pas dit de nez, j'ai dit vous savez ou pas, sans rien. Et pourtant, c'est moi qui suis blonde. Ouais, il y a eu un problème. C'est du Soraya, voilà. Bon, allez-y, si vous avez la bonne réponse. Peut-être que Soraya vous a induit en erreur. Ouais. Ou peut-être pas. Allez-y, envoyez le message 41759 avec l'hashtag Kenza Farah sur Skyrock et on balance donc le morceau, c'est parti. Problème, disponible Problème. Sur iTunes ainsi que l'album. Et c'est lundi dans les bacs. Avec Jules. Featuring Jules, Marseille. Yeah. Avec Jules sur le morceau et sur l'album de Kenza entre 20h et 21h dans Planète Rap spécial fille ce soir. Problème featuring Jules. Et tu le feras en live dans quelques minutes à pas louper. Juste avant, je vous présente. Qu'est-ce qu'il y a après? Freestyle par téléphone? Ah, on va mettre un autre titre maintenant, d'accord. On va mettre un autre titre et après on trouvera le freestyler par téléphone, donc c'est bon. Écoute, on est dans l'ambiance. Ouais. Donc on va passer le deuxième featuring de l'album. Très bien. C'est un featuring avec Bunji. C'est un artiste raga soca, un petit peu dancehall. J'ai toujours aimé à fond ce style de musique. Dans chaque album, il y a une petite touche raga. Et c'est un artiste qui est en train de cartonner dans son domaine. Et voilà, je me suis vraiment amusée sur ce titre. Chose que j'ai pas trop l'habitude de faire, c'est vocodeur à fond. Mmh. Et voilà, c'était la fête dans le studio. Vraiment, amusement total et kiff. C'est un titre qui bouge. Ça fait Tour du Monde. Et qui s'appelle Tour du Monde. Mmh. Un petit mot. Vous avez tout écouté l'album, Non, pas encore. C'est vrai? Découvre. Rien du tout? Non, quelques titres, mais. Ouais. Yeah. Bon, Nabila, si, ça on sait. Ouais. Nabila fait partie de l'équipe, donc elle a. C'est la chute. Moi, je sais tout. Tu sais tout? Elle a les exclus. Et ben vous allez pouvoir découvrir peut-être celui-ci. Ouais. Tour du monde. Tour du monde. Fit Bungie. Il va me plaire, je sens celui-là. C'est vrai. Ouais, ça bouge. Yeah. Alors, on va s'ambiancer maintenant. Et voilà. Avec le morceau Tour du monde. On a le bon son pour faire le tour du monde. We have a truck on the road. On the road. We have a truck on the road. On the road. Have one big bad stick truck on the road. Le son qu'il faut, yeah. On va les faire bouger non-stop de Marseille à Trinidad, yeah. Dès qu'on débarque, c'était tous les compteurs de la ville s'affolent, yeah. Combinaison au top, R&B, Raga, Soca, yeah. Ce soir, laisse la musique faire son travail. Ne te pose pas question, faut qu'on fly. On a le bon son pour faire le tour du monde. On a le bon son pour faire le tour du monde. We outside taking over the streets, yeah. We gonna lock down the whole district with the wickedest beats, yeah. On a le bon son pour faire le tour du monde. Yeah. Voilà le morceau qui s'appelle Tour du monde. Alors, ça vous a plu? Ah ouais, on était ambiancé, hein. Ah, c'est ambiancé. Si tu cherches des danseuses pour la tournée. Ah ouais, j'ai vu. Là, une belle brochette. Là, c'était chaud, il y avait des. Même, ah là, c'était pas des lol. Hein. Bon, ça t'aime bien en tout cas, Denso, mais c'est vrai qu'il y avait eu le morceau aussi avec Laza Morgan. Laza Morgan, Buzzy Signal, voilà. Aussi. Souvent, j'aime bien changer un petit peu, prendre un peu des featuring, pas spécialement téléphoner, aller piocher dans d'autres univers un petit peu. Et donc, lui, c'est Bungie, c'est ça? Bungie, exactement. Qui vient, que t'as rencontré comment? Je l'ai rencontré via Major Lazer, en fait. D'accord. Et avec Major Lazer, et voilà, ça a été connexion. Il est du Trinidad Tobago. Très bien. Et bah, ouais. Tour du monde, le morceau, vous le retrouvez dès lundi dans les bacs. Exactement. C'est la sortie de l'album, cinquième album pour Kenza Charismatique, en précommande aussi. Dans un instant, on attaque le live. Alors, qui commence? Alors, c'est Nabila qui va ouvrir le bal. On va l'écouter. Ma chef. Vu qu'hier, il y a Kylie qui nous a fait un freestyle, qui nous a défrisé les bourguignons. Ah, je connaissais pas ça. Je connaissais pas cette expression, défriser les bourguignons. Ça va, Kenza? Là, Nabila, elle va réveiller nos scarabées. Pas mal. Elle va réveiller tous les scarabées. Tous les scarabées. Ouais. Donc, dans un instant, attention, les scarabées, plantez-vous. Allez vous planquer, il y a Nabila qui va chanter. Le live, il va réveiller les scarabées. Après avoir défrisé les bourguignons. Tu parles d'un programme. Le live de Nabila et on finira tout ensemble. En mode famille. Et alors là, ça va fou. Mais avant, Nabila va vous défriser les bourguignons. Ne bougez pas dans un instant pour le défrisage des bourguignons et des scarabées. Mais juste avant, le par téléphone, on est avec. Pardon. Je suis désolé, ça va hier. Atoms de l'email, c'est ça, dans 78 ? Ouais. Ça va bien, Atoms ? Ça va et toi ? Bah ouais, je te présente les jeunes filles qui sont autour de nous ce soir dans l'émission. Kenza, Soraya, hello. Princesse hello. Sarah, Linda et Nabila. Ça va ? Bah et toi, bien ? Ouais, ça va, tranquille. T'es prêt à freestyler ? Ouais, toujours. Allez, c'est parti, une 30 pour tout défoncer, on t'écoute. Ok, il m'appelle la relève, comme si j'étais par terre. Je suis simplement un serial kicker qui fout le feu avec ses partenaires. Je regarde ma concurrence, elle l'air troulée par terre. La fée frappe bien d'HDL, proche va faire un tour dans le repère. Force d'écraser tes MC, mon feu devenu le boutin. Rien à foutre des bulletins qui comptent aujourd'hui, c'est pété le putain. Tu rôles mes 16 ans, tout va bien, mon truc, ma Kardashian. Je suis pas d'Arabie, pourtant je suis l'homme au lit, il est un 16. Je suis pas un 16, je fais du sale comme Bayer, mais son attaque. Je la clé de la réussite, faisant des foot, le contact. Adepte des pédics, je sale punchline. Je suis entier, le rap est un congé, je l'attends depuis long time. Difficile de marcher droit, sans être chiot au pays des poitiers au magique. Ramène un beat et je fais du sale en moins de deux. Je crois bien pas qu'il la règle, la vocale sur mes aînés. Je suis meilleur que sur ma gueule, la phase une faute, rapace la volée. Tu penses que je dévoile et je crois qu'à mon potentiel. Là, ce petit négro et ce texte laissera des séquelles après. Le freestyle sans thème, je prends cet instrument et je te gagne. Tout le monde veut savoir du gâteau. On partage les mecs du ghetto, passe-moi le micro. Je vais vous montrer comment ça kick, une instru et le pic. Je vais vous répondre à putain de classique, classe X. Je voudrais te les déclencher pour X raisons. 2014, voilà mon premier freestyle sur tous vos réseaux. Et eh ben voilà, terrible, carré, yeah. Efficace, Atoms, bravo, bravo à toi. Parfait. Merci. Petite dédicace à passer, on peut te retrouver sur le net, tu veux. Ouais, vous me tapez mon gars, c'est Atoms, HDL Prod sur Facebook. Et Atoms, c'est 820 sur YouTube. Et je pourrais une dédicace à vas-y. Hotman Gooms, Sofiane Bush, Rim Jill, Diris Ketchil, Nabil, Shrek, Oufouk, HDL Prod surtout, Brahms, on t'oublie pas, et Arcade à la Yahmo. Merci à toi, Atoms. Passe une bonne soirée. Je suis en train de regarder en même temps que Atoms rappait le dictionnaire des définitions et des expressions. Je trouve pas. Hein. Je trouve pas aussi bien réveiller les scarabées que défriser les bourguignons. Non, mais ça, c'est tu vas comprendre après le live. En fait. Après le live, quand après tu le live, après le live, je vais comprendre. Tu comprendras c'est quoi. Mais avant, tu peux pas savoir. Ah, bah j'ai hâte de découvrir ça en tout cas. On y va ? Yes. Prêt pour Nabila. Le défrisage ? Nabila, charismatique, grande voix. Elle va nous interpréter les titres, elle va faire un beau live. Ouvrez vos bourguignons. Allez, c'est parti, Goldfinger est au platine ce soir encore. DJ Goldfinger. I've been drinking, I get 50 when the liquor's getting to me. I've been thinking, why can't I keep my fingers off it, baby? I want you, nah, nah. Why can't I keep my fingers off it, baby? I want you, nah, nah. Cigars on ice, cigars on ice. Feeling like an animal with his cameras all in my grill. Flashing lights, flashing lights. You got me fre, fre, fre, daddy. I want you, na, na. Can't keep your eyes on my fre, daddy. I want you, na, na. Kitchen sing, how the hell did this shit happen? Oh, baby. Drunk in love, we be all night. Woo! Last thing I remember is our beautiful bodies grabbing up in a club. Yeah. Drunk in love, and we be all night. Be all night, love, love, and we'd be all night, tears are crying. I am watching, catching teardrops in my hands. Only silence as it's ending, like we never had a chance. Do you have to make me feel like there's nothing left of me? And you can take everything I have, and you can break everything I am, like I'm made of glass and like I'm made of paper, and go on and try. So smoke this, I awaken, and I'm tingling you for me. Molly, make you feel better to watch me while I breathe. All my windows still unbroken, but I'm standing on my feet, and you can take care. Studio. Ah ouais, alors là, c'est, je te dis, c'est tout le R&B qui s'est défrisé. Lissage brésilien gratuit. Vous avez compris, vous avez compris. Ah, qui est derrière, qui est derrière Beyoncé? Faites du bruit pour Nabila. Bon Nabila. Ah, on était au States, c'est qu'on est revenu au Maroc rapidement, quoi. Hein. Le dessus. Ça reprend le dessus mais rapidement. Juste pour finir, pour un petit mot sur Nabila, comme je l'ai dit, ça fait un moment qu'elle est dans le label. C'est une artiste talentueuse, patiente, fidèle. Et voilà, j'espère de tout cœur qu'elle pourra faire de belles choses et que tout le monde pourra découvrir cette voix, ce talent et cette personnalité parce que vraiment, elle le mérite. Je lui souhaite, Inch'Allah, du fond du cœur, vraiment. Merci, merci beaucoup. Et les messages continuent aussi avec le hashtag Kenza Farah sur Skyrock. Qu'est-ce qu'il y a, Kenza? Tu vas où là? Un bisou. Bah on y va, on continue là. C'est l'heure du. Ah, tu peux parler à Goldfinger avant, c'est bon? Non, c'est bon. C'est bon, on est prêts, les filles, vous êtes prêtes aussi? Yes. Ouais. On continue, session live dans l'émission, dans Planète Rap. Dopé, c'est quoi? Ouais, vous accompagnez. Ce que vous voulez, quand vous voulez. Tu veux. Tu veux. Attends, d'accord, Fred, d'accord. C'est ton micro. Ah, mais non, mais j'ai compris. De toute façon, c'est bon, vous prenez le contrôle, je peux plus rien faire. Voilà. Fred, tu peux te taire? Voilà. Allez, balance le son, Goldfinger, c'est parti. DJ Goldfinger. Yeah. Marseille, Kenza, yeah. Kenza, charismatique. J'ai des problèmes, trop même. Dans ma tête, c'est le bordel. J'aimerais partir loin d'ici, mais je reste quand même. J'ai plein de problèmes. Je m'esquive le soir, je bois, je promène. Un peu d'espoir, je m'accroche à la vie. Mes potes sont cramés dans tous les domaines. J'ai tout pour être heureuse, mais. Je suis jamais satisfait. J'ai du mal à dormir la nuit. Maman, j'ai trop d'ennemis. Pourquoi tu t'esquives quand je viens pour leur faire la bise? C'est qui cherchent les problèmes. Pourquoi vous revenez à dire évite les problèmes. Voilà la vie qu'on mène. On brûle nos vies, on court après le ventre, oh, c'est trop. Et les problèmes, je peux pas te promettre. Je peux passer au travers, mais ça me colle à la peau. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Charismatique. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Charismatique. C'est un truc de fou. Charismatique. C'est un truc de fou. Où ça nous mène? Je vois plus le bout du tunnel. Quoi que je dise, quoi que je fasse, on me juge sans me connaître. J'ai plein de problèmes, je souris. Hey. Marre de voir mes potes s'ouvrir. Hey. Faut de jeunes cagoules et gantés. Ouais. Rêve d'une ville à s'offrir. J'ai plus rien à prouver, mais non, non. Ils veulent me voir tomber. Ouais, ouais. Avec le temps, j'ai compris qu'ici bas, y'a pas d'amis. Moi, je vis ma vie dans tes pleines manies. C'est un truc de fou, c'est un truc de fou, c'est un truc de fou, c'est un truc de fou, c'est un truc de fou. Je me fous de ce qu'ils disent, je suis pas leur pinko. Trop de gens qui me critiquent et me demandent des photos. Je me fous de ce qu'ils disent, je suis pas leur poteau. Trop de gens qui me critiquent. Évite les problèmes, vois la vie qu'on mène. On brûle nos vies, on court après le ventre, oh, c'est trop. Éviter les problèmes, je peux pas te promettre. Je peux passer au travers, mais ça me colle à la peau. C'est un truc de fou. Yeah. Lundi dans les bacs. Yeah, yeah. Les filles, ça va? Ça va? Kenza Farah, 29 septembre. Lueur du jour qui se lève, sa voix qui m'appelle. Un mot sur le bout des lèvres, je crois que je l'aime. Je le ressens, hey. Je le désire, oh. Et pourtant tout nous sépare. Avec lui, je veux m'enfuir, ça malgré tous les regards. Aïe, aïe. Dans ma tête, tout est chamboulé. Ah, ah, ah, ah. Dans ma vie, là, tout bousculé. Ah, ah, ah, ah. Il voudrait nous séparer. Il a tout chamboulé. Ma vie bousculée. Et sa voix résonne. Attention! 1, 2, 3, 4. Brisez-les, brisez-les, brisez les chaînes. S'envoler, s'envoler, toucher le ciel. Je laisserai pas passer mon bonheur, je laisserai pas passer ma chance. Je ferai confiance en mon cœur, l'amour n'a pas de couleur, yeah. Brisez les chaînes. S'envoler, s'envoler, toucher le ciel. I gotta break the chains. Yeah, yeah. SOS, j'ai le cœur en vrac, je ne peux plus lutter. Mes pensées prises en otage, je suis désarmée. Son parfum m'envahit, stop, je ne peux plus mentir. Peu importe ce qu'ils en disent, je ne veux plus être prisonnière. Ah, ah, ah, ah. Dans ma tête, tout est chamboulé. Ah, ah, ah, ah. Dans ma vie, là, tout bousculé. Ah, ah, ah, ah. Il voudrait nous séparer, il a tout chamboulé. Ma vie bousculée et sa voix résonne. 1, 2, 3, go! Brisez-les, brisez-les, brisez les chaînes. S'envoler. laisserai pas passer ma chance. Je ferai confiance en mon cœur. L'amour n'a pas de couleur. Yeah. Yeah, yeah, yeah, Kenza. Au-delà des mots qui nous condamnent et nous enchaînent, j'écouterai la mélodie de nos âmes, ouais, qui s'en mêlent. Je ressens, je désire, et pourtant tout nous sépare. Au-delà des mots qui nous condamnent, brisez les chaînes. Mon bonheur, je laisserai pas passer ma chance. Je ferai confiance en mon cœur. L'amour n'a pas de couleur. Je laisserai pas passer ma chance. Je ferai confiance en mon cœur. L'amour n'a pas de couleur. Yeah. Ouais. Merci les filles. Yeah. Oulala les filles. À l'instant, dans les bacs. À l'instant live. Bon Linda, yeah, déjà tu me rends mon casque et d'une. C'est le premier truc. De deux. Il est déjà 9h10, il va falloir rentrer à la maison préparer à dîner. On y va les filles, hein. Non. Toi qui nous fais à dîner ce soir. Allez, allez, attends, 9h10. On y va. Bon, ouais, merci en tout cas, vraiment. Je pense qu'on peut les applaudir une fois de plus. Bravo. Merci. Il y avait ce soir avec nous, dans l'ordre, Princesse Sarah, Soraya, Linda Sherazade, Nabila. Sarah, son album, il est disponible. Ben justement, je voulais faire un tour de table là-dessus. Alors, l'album, on le trouve où? Donc, La Force d'y croire, disponible dans les bacs et sur toutes les plateformes de téléchargement légal depuis le 25 juillet. Et on peut te suivre où, pour ceux qui veulent te découvrir? Donc, sur Twitter, Princesse Sarah, sur ma page Facebook officielle, Princesse Sarah officielle, et sur YouTube. Et très voilà, bien. Et Princesse Sarah. Bien. Voilà. Soraya. Bah moi, il y a Soraya des nouveautés officielle qui arrivent bientôt. Restez branchés. Twitter Soraya officiel, Facebook Soraya officiel, Instagram Soraya officiel. Voilà, tout est carré, tout est officiel. Allez cliquer. Linda, bon, Linda dans les bacs avec le Whatty Boss, les chroniques. Toujours, et voilà. Et a priori, il y a du lourd dans le sac à main, donc voilà, je sais pas ce que arrive. Tu nous prépares. Mais... Il y a toute ma vie. Il y a un truc lourd qui se prépare, en tout cas. Non, t'inquiète, ça va venir doucement, t'inquiète. Bon, et Nabila, donc on attend pareil aussi. Ouais, ça va pas tarder à arriver. Je tenais juste à remercier Kenza Farah. Merci à toi depuis 2010 déjà. Donc il n'y a pas beaucoup d'artistes qui font ça. Je tiens à la remercier et je pense que tout le monde le sait. Bien ici sûr, ouais. Donc voilà, elle a rien à prouver. Cinquième album, et toi? Et une grosse dédicace à Abdel, charismatique, à tous ceux qui sont le venus patron, me soutenir. Le patron, le boss. Donc à mon petit 75020, à tous les chefs d'équipe que j'ai laissés en galère cette semaine, à Bilal, à Jims, à toutes mes copines, à mes frères, à mon frère Mohamed, à mes petites sœurs Sanel et Dunia qui sont venues me soutenir. Gros big up, charismatique for life. Moi. Moi, je voulais faire un gros bisou à Abdelkarim de Champs. Je lui fais des gros bisous et je lui souhaite un bon rétablissement. Un gros bisou à mon tonton Nadir, à Séverine. Je vous rappelle que l'album, il est disponible sur iTunes. Il est lundi dans les bacs et le 25 janvier, grosse date au Zénith de Paris, 25 janvier 2015. Donc voilà, je compte. Peut-être qu'il y aura toutes les copines. On veut des places, on veut des places. Ah ouais, mais oui, on sera là. Elles seront là pour soutenir. On veut des places, il n'y a pas d'acheter. Un grand merci à tous. Soutienne. Gros bisous à mon petit frère. Il m'a dit si tu me fais pas une dédicace, tu verras. Tu verras. Ça va mal se passer. Eddie, Elmi. Bisous, Eddie. Gros bisous à lui. Gros bisous à mon scarabée, Luisa. Qui a été réveillée. Et à tous les scarabées. Et je vous aime fort. Et Marseille, maman, papa, je vous aime. Vous connaissez de façon. Et on n'a pas passé Marseille, je t'aime, on le passera demain. Ouais, on le passera demain. Parce qu'on a eu un peu de retard là-dessus. Un petit peu de retard. Gros bisous. Merci à toutes mes copines qui sont venues. Merci à toi, ma chérie. Je leur souhaite de la réussite. Elles méritent musicalement, humainement. C'est des bombes. Et Fred, ta chemise ce soir, elle était magnifique. Ça va être bombe. C'était pour vous, les filles. En tout cas, merci. Faites du bruit pour les filles, s'il vous plaît. Allez, maintenant on y va, on remballe et on fait tourner la roulette juste avant. C'est parti. Voilà. Et aussi Skyrock t'offre Sin City J'ai tué pour elle au ciné, plus ta nouvelle tablette tactile. Sinon ça s'arrête jamais quoi. Allô Jérôme de l'Albalme les grottes, ça va bien là-bas dans les grottes? Ouais, ça va tranquille, et toi? Bisous à Kayline qui bienvenue nous écoute. Bienvenue à toi, à Kayline. Jérôme, prêt à faire tourner la roulette? Ouais, pas de soucis. Allez, on la lance, dès que tu veux, tu dis stop, c'est parti. Vas-y. Et la roulette qui va s'arrêter pour toi sur la case, c'est... Cette fois, ils sont allés trop loin. Place de ciné, non pas une ni deux, mais quatre. Quatre places pour aller voir Sin City qui est sorti la semaine dernière. C'est pour voilà. Toi, on t'envoie ça rapide. Vas-y, je te lâche une petite dédicace. Vas-y, Jérôme, on t'écoute. Vas-y, je lâche une grosse dédicace à ma femme. Déjà, je l'aime très fort. Une grosse dédicace à tous les gens de la BAM, Lucas, Max, Youyou, tout le monde, Fred. J'ai oublié. Et, bonne continuation à Sky. Dédicace à Kenza, oubliez pas, l'album Lundi dans les bacs. Yeah. Et bonne continuation à tous. Skyrock, ça déchire, je vous écoute. Merci. Terrible. Merci à toi. Passe une bonne soirée. Reste avec nous. Tiens, il y a Difool qui est là. Je voudrais faire aussi un maximum de bruit, s'il vous plaît, pour DJ Goldfinger. Qui était là avec nous. Merci. Merci à tous. Et Goldfinger qui, pareil, poursuit sa tournée demain. Ouais. Tu mixes où, Goldfinger? T'as chaud. Ouais. Écoute, demain, je serai du côté de Dijon au Chat Noir. Parfait. Et samedi, à Chili Mazarin, un club qui s'appelle le Standing. Donc voilà, rendez-vous là-bas pour ceux qui connaissent. Et vous pouvez me suivre sur mon Facebook, DJ Goldfinger officiel, tout simplement. Merci Goldfinger, en tout cas, c'est merci à vous. Plaisir cool d'avoir avec moi. Merci beaucoup. Et de voir que tu es en pleine forme, en tout cas. En pleine forme, ouais. Demain. Il y a un projet, je serai sur le projet, ça va être du très, très, très lourd. Vraiment. Demain, la dernière, Kenza? Demain, la dernière, on va passer des titres, on va faire des lives, on va s'éclater. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Donc voilà, demain, c'est entrée libre. Lui qui veut venir, il vient. Je sais pas qui aura comme invité. Celui qui veut être là, ben bienvenue. C'est la fête demain. Et demain, on carre un petit peu avant 20h. Et là, c'est Difool maintenant. Et demain, on fait la fête. On va retrouver. C'est bien noté. Avec toute l'équipe. Oui, qui est nous aussi, on va faire la fête ce soir. Gigo. Ça va, gigoté. T'as vu le clip, Kenza? Gigoté. Ouais, je l'ai vu. Il est marrant. Ah, très bien. Vous êtes fou quand même. Je vous jure que vous êtes fou. Tu crois? Vous avez un grain. Un grain. Vous avez un sacré grain. Un grain de fou. Merci en tout cas, Kenza. Merci pour ce vous. Beau planète rap. Merci les filles. Fredo, t'as eu de la merci chance aujourd'hui. Ouais, je sais. Ouais. Toujours bien entouré. Et oui. Et demain, c'est la fête avec plein de surprises. Soyez là. Merci beaucoup en tout cas. Et surtout, n'oubliez pas de gigoter. Exactement. N'oubliez pas de gigoter. Bon, nous jusqu'à minuit. C'est parti. Bisous, Kenza. Bisous. Bye bye. 01 53 40 30 20. Vous nous appelez le 41 759 pour nous laisser vos messages. Les idées maintenant. Toute l'équipe est là. On fait péter tout jusqu'à minuit. On a une surprise en plus ce soir. C'est même plus une surprise. Ah, bah oui, on l'a dit. C'est un nouveau clip à découvrir. Ah hier, on a découvert Gigoté hier avec le prince du hip-hop Romano lui-même en personne. Ce soir, c'est Maska qu'on va découvrir. Le nouveau clip de Maska après avoir découvert son en exclu sur Skyrock. Et bien ce soir, c'est le clip qu'on va découvrir ensemble. Il nous l'amène, il arrive dans un instant, Maska là. Ouais. Terrible. Non. Terrible. Grosse soirée sur Skyrock, puis le problème du mois de tout à l'heure. Mais on y revient tout de suite. Et qu'est-ce vous tous en direct, on vous attend. Qu'est-ce qui t'arrive, Momo? Hein? Fatigué. Il est fatigué. Momo. Mais ça a pas commencé. Hein. On va démarrer l'émission dans 5 minutes. Super, Momo. C'est bien. Une sieste, Momo. Allez, bonne nuit, Momo. Et vous tous, on vous attend en direct avec Black M. Le nouveau Black M sur Skyrock. J'arrive. Je ne dirai rien. Tous les matins sur Skyrock.